travail. Je suis plus qu'avec elle. Oh, malgré l'attaque, malgré vos plans, malgré la magie, je suis plus qu'avec elle. Alléluia. Vous aurez non, vous aurez non, vous aurez non, vous aurez là, vous aurez là. Oh, sans inquiétude, ce sont ma tour de grâce. Oh, ciel, j'ai mon père là-haut, où Dieu ma place. Oh, moi. Mon père l'a déjà vu, c'est mon passeport. Ouais, là, bras ouverts, car il n'attend que moi. Levez-vous les anges du ciel, les anges du ciel ne peuvent comprendre. Dans tout cafou le mort. Oui, oui, t'aime pas. J'ai sauté. Sauvez-moi. Appelez-moi. Est-ce qu'on voit ça là? Est-ce qu'on voit ça là? Papa m'a déjà checké passeport. Papa m'a déjà checké passeport là. Debra l'ouvrir. La joie, même si je ciel, même si je ciel, y'a pas pour le moussa. Levez-moi en les anges du ciel, les anges du ciel. Jésus-moi, infini, qui fait dans moi un berrier. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Le vin de mon consa dans ça. Oui. Oui. Oui. Oui. Si vous dormez, vous êtes pour sortir. Gabriel et lui. Vous êtes pour sortir là. Vous êtes pour sortir là. Vous êtes pour sortir là. Oui. Loi à la chasse. Loi à la chasse. C'est quoi, mon, c'est quoi, mon? C'est quoi, mon, c'est quoi, mon? Je suis plus que vainqueur. Oui, oui, je suis plus que vainqueur. Oh, malgré attaque, malgré complot, malgré magie, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Vous aurez non, vous aurez non, vous aurez non, vous aurez là, vous aurez là. Whoa!